Landry alla souper chez lui avec son frère. Et comme celui-ci était bien soucieux de tout ce qui s'était passé, il lui raconta comme quoi il avait eu Maya partir la veille au soir avec le feu follet, et comment la petite fadette, elle en ayant délivré, soit par courage, soit par magie, elle lui avait demandé pour sa récompense de la faire danser cette fois, à la fête de la Sainte-Andoche. Il ne lui parla point du reste. Sylvinet approuva son frère d'avoir tenu sa parole, mais, tout en s'effrayant du danger que Landry avait couru dans la rivière, il manqua de reconnaissance pour la petite fadette. « C'est elle, lui dit-il, qui avait conjuré le fadet pour te troubler l'esprit et te faire noyer. Mais Dieu ne l'a pas permis. Elle est très mauvaise, cette fille-là. Toutes les sorcières aiment le mal. Il n'y en a pas de bonne. » Landry, qui voyait volontiers par les yeux de son frère, pensa qu'il avait peut-être bien raison et ne défendit guère la fadette contre lui. On devait danser encore jusqu'à la grande nuit. Mais Landry, qui avait le cœur gros, à cause qu'il était pour de bon, fâché contre la Madelon, ne voulut point profiter de la liberté que la fadette lui avait rendue, et il aida son frère à aller chercher ses bêtes au pacage. Puis, il dit adieu à son frère au bout de la joncière. Quand il fut au bas de la côte, il entendit une voix gémir et pleurer. Il descendit hardiment. Mais la personne qui se plaignait ainsi fit silence en l'entendant venir. « Qui pleure donc ça par ici ? » demanda-t-il d'une voix assurée. On ne lui répondit mot. « Y a-t-il par là quelqu'un de malade ? » fit-il encore. Et comme on ne disait rien, il songea à s'en aller. Mais, auparavant, il voulut regarder parmi les pierres. Et bientôt il vit, à la clarté de la lune qui commençait à monter, une personne couchée par terre tout de son long. La figure en avant, ne bougeant non plus que si elle était morte. Landry n'avait jamais encore vu ni touché un mort. Mais il se surmonta. Il alla résolument pour tâter la main de cette personne étendue qui, se voyant découverte, se releva à moitié aussitôt qu'il fut auprès d'elle. Et alors, Landry reconnut que c'était la petite fadette.